Activité 3. 1. Bonjour madame, je voudrais 6 tomates, 4 abricots et 2 pommes, s'il vous plaît. 2. Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. Ce sera tout ? Oui, merci. 3. Bonjour monsieur. Un ticket pour le Louvre, c'est combien ? 12 euros. Très bien, j'en prends 2.